Maxi Sud. Donc je suis Marie-Dominique Albinet, je travaille au CAUE de l'Aveyron, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, et je travaille notamment sur le paysage. Et donc ce que je vais présenter aujourd'hui à la demande des amis de Rieupeyroux, ce sont les arbres dans les paysages des Ségalas, et en particulier le châtaignier. Donc je vais d'abord présenter comment le CAUE a travaillé sur les paysages aveyronnais pour les identifier. Je dirais ensuite faire un petit portrait des paysages du Ségala et puis voir comment les arbres et les boisements créent et s'insèrent dans ce paysage pour terminer avec un petit paragraphe sur les chênes et puis un paragraphe un peu plus important sur le châtaignier dans le paysage. Comment se porte l'ensemble de ces arbres en Ségala ? Alors en Ségala, comme hélas en beaucoup d'endroits, les arbres souffrent évidemment des changements climatiques. Et puis souffrent également, c'est un petit peu l'histoire des paysages, de l'abandon de certains de leurs usages, puisque les arbres sont adaptés à leur territoire, aux conditions de climat, aux conditions de sol, mais ils sont aussi issus d'une histoire humaine, et comme cette histoire humaine a évolué, certains arbres, dont le châtaignier, ont aussi souffert de l'abandon de l'usage. Et après, le changement climatique est aussi un facteur qui aggrave tout ce qui peut être maladie, manque d'eau, etc. Vous restez optimiste ? Je pense qu'on ne sait pas. Je pense que la nature est résiliente, mais jusqu'à un certain point. Et je pense que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas et que le risque, c'est peut-être de jouer aux apprentis sorciers, de penser qu'on va pouvoir utiliser des arbres venus d'ailleurs. Et ce n'est pas forcément la bonne solution non plus.